بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا يزال الكلام في حديث علي رضي الله عنه حين بعث المقداد بن الأسود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي. Et donc, nous continuons aujourd'hui à aborder le hadith de Ali, radiallahu anhu, lorsqu'il a envoyé al-Miqdad ibn al-Aswad interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le liquide préséminal. فَقَدْ ذَكَرْنَا بِالْأَمْسِ أَنَّ رِوَايَةَ الْبُخَارِي تَوَضَّ وَغْسِلْ ذَكَرَكَ. Nous avons cité hier que la narration qui a été stipulée dans le recueil d'Al-Bukhari, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité « Fais tes ablutions et nettoie tes parties. »« Fais tes ablutions et nettoie tes parties. »« Fadakara al-amra bil-wudu qabla al-ghasl. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité l'ordre des ablutions avant d'avoir cité l'ordre de laver les parties. لكنه جاء في بعض الروايات تقديم الغسل على الوضوء كما في صحيح مسلم. Cependant, il y a certaines narrations qui citent le fait de laver les parties avant le fait de faire des ablutions, comme cela a été cité dans le recueil de l'imam Muslim. Et donc on a certaines narrations qui vont citer le fait de se laver avant les ablutions et d'autres narrations qui vont citer le fait de faire des ablutions avant de se laver. Est-ce que cela a un impact? Non. Pourquoi? لِأَنَّ الْوَاوْ لَا تُفِيدُ التَّرْتِيبُ. Parce que le mot « waouh » qu'on va traduire par « et », il n'implique pas un ordre. Lorsqu'on va dire « fais tes ablutions et nettoie-toi les parties » ou alors « nettoie-toi les parties et fais les ablutions », cela ne va, le mot « et » ne va pas impliquer un ordre précis. Ce n'est pas comme le « puis » ou autre. Ce n'est pas comme le fait de dire « puis ». Et donc, le mot « waouh » en arabe n'implique pas un ordre. Voilà pourquoi les savants, ils ont dit. Et donc, « el ansab an yarsila dhakarahu qabla al wudu ». Et donc, les savants, ils ont dit que le plus convenable est que la personne se nettoie les parties avant de faire ses ablutions. « Wa man kana al-madhyu la yanqati'u indahu yarsilu farjahu idha dakhala waqtu as-salat ». Et la personne qui a donc ce liquide préséminal qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête pas. Et donc cette personne-là, elle va nettoyer ses parties lorsque vient l'heure de la prière. Donc une personne qui est prouvée par cela, le fait d'avoir tout le temps le liquide séminal qui va couler. Ou presque tout le temps, ou très très souvent. À ce moment-là, dès que l'heure de la prière arrive, la personne, elle va se nettoyer. Elle va se nettoyer. Puis la personne va protéger ses parties, ou elle va mettre quelque chose qui va faire que ses vêtements ne vont pas être touchés par le liquide qui va couler par la suite. Thumma yatawadda, puis la personne fait ses ablutions. Wa yadhhab ila salat wa la yaltafit ila ma yanzilu ba'd dhalik. La personne va donc prier et n'accorde pas d'importance à ce qui va donc descendre ou ce qui va couler après cela. Pourquoi? Li'annahu ma'dhur, car celui-ci, il est excusé. Celui-ci, il est excusé. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement car le liquide va tout le temps le déranger. C'est comme celui qui est prouvé par Salas al-Bawl. Celui qui est prouvé par l'urine qui continue. L'urine qui continue et qui ne s'arrête pas. C'est le même jugement. La personne se nettoie dès que l'heure de la prière arrive, fait ses ablutions et ensuite elle va prier. Et ce qui arrive pendant la salat ou avant, la personne, elle est excusée. وذكرنا أن المذي نجس فإن أصاب الثوب يجب غسله. Et donc on a cité que le liquide préséminal est impur. Et donc si celui-ci a un impact ou va être en contact avec les vêtements, alors il faut absolument laver les vêtements aussi. Il faut absolument laver les vêtements. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الثاني. Ensuite l'auteur il cite le deuxième hadith dans ce chapitre. Et donc il nous dit عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المزني قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Et donc le deuxième hadith que l'auteur il cite dans ce chapitre, selon Abbad ibn Tamim, selon Abdullah ibn Zayd, selon Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Mazini, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé d'un homme qui pensait, yukhayyalu ilayhi, il pensait qu'il avait quelque chose pendant la salat. Dans certaines versions, annahu yajidu shay'an fi batnihi. Donc il pensait qu'il avait quelque chose dans son ventre pendant la salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à cela en disant: celui-ci ne quitte pas la prière tant qu'il n'entend pas un son ou qu'il ne sente pas une odeur. وهذا الحديث ذكرناه كثيرا في دروسنا. Ce hadith, nous l'avons cité très souvent dans les différents cours que nous avons pu donner. فإنه ينبني عليه قاعدة عظيمة هي أن اليقين لا يزول بالشك. Certes, ce hadith est la preuve qui va permettre de citer une règle très importante, qui est que la certitude ne s'en va pas avec le chèque, avec le doute. La certitude ne s'en va pas avec le doute. لأن المراد من هذا الحديث أن الرجل لا ينصرف من الصلاة حتى يتيقن أنه أحدث في الصلاة. Car ce qui est voulu par ce hadith, c'est que l'individu ne sort pas de la prière jusqu'à ce qu'il est sûr qu'il ait rompu ses ablutions. Où avons-nous tiré cela? Où est-ce qu'on tire cela du hadith? Dans le hadith, il cite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne sort pas tant qu'il ne sent pas une odeur ou qu'il n'entende pas un son. Où avons-nous dit? Comment pouvons-nous comprendre de cette parole que ce qui est voulu par là, c'est il ne sort pas jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'il ait rompu ses ablutions. Oui, c'est une question. Je répète la question. L'ordre du hadith, huwa la yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. كيف يفهم من ذلك ان المراد هو لا ينصرف حتى يتيقن انه احدث. Et donc, non. Mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas non, c'est ce qui est cité dans le hadith, c'est un son et une odeur. C'est-à-dire qu'il se peut qu'une personne, elle ait rompu ses ablutions, elle a effectivement eu un gaz, sans odeur, ni sans bruit, mais elle est sûre qu'elle a eu un gaz. Sûre et certaine. Est-ce qu'on lui dit reste dans la prière? Non. Oui, parce que le sûr, il est à l'intérieur, non? Oui, non, à l'extérieur. عنده اليقين هنا. ما عنده الشك. Quoi? هنا ما عنده الشك باللي راه يتيقن باللي حتى مثلا لا توجد رائحة. Oui, mais il y a pas. الصوت انه متيقن هو. هو متيقن. هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني. Mais ce qui est cité dans le hadith, c'est الصوت ou الريح, l'odeur ou le son. لكن إذا وجد ريحا أو صوتا. نعم. يعني تيقن. تيقن. Et donc, les savants nous disent, si l'individu, il entend un bruit, donc le vent, le gaz, ou prend une odeur, il est sûr qu'il a rompu ses ablutions. Et c'est ce qui est voulu par là. Pourquoi? Parce que si la personne, ils disent, لو أن الرجل بالى في الصلاة, si la personne a l'urine pendant la prière, on ne va pas lui dire non, reste dans la prière jusqu'à ce que tu entends un son ou que tu prennes une odeur. On ne va pas lui dire ça. Et donc, ce qui est voulu par ce hadith, c'est la yansarif, c'est qu'il ne part pas tant qu'il n'est pas sûr. Ce qui est voulu par ce terme, c'est la certitude. Le prophète, il a donné un exemple pour montrer une signification. Cette signification, c'est la certitude. Tayyib. Idan, el yakinu la yazulu bishek. Et donc, on reprend. c'est que la certitude ne part pas avec le doute. Et ça dans toute chose. Dans toute chose. وكذلك يستفاد من الحديث أن خروج الريح من الدبر من نواقض الوضوء. On profite aussi parmi les profits de ce hadith, c'est que les gaz qui sortent du postérieur font partie des annulatifs des ablutions. Font partie de ces, des éléments qui vont annuler les ablutions. وهذه المسألة بالإجماع. Et il y a unanimité des savants sur ce sujet. Unanimité des savants sur ce sujet. Parmi les savants qui ont cité l'Ijma, Ibn Abdel Barr, Nawawi et d'autres encore, beaucoup de savants qui ont cité l'Ijma, l'unanimité par rapport à cela. Et je précise bien, le gaz qui sort du postérieur. Le gaz qui sort du postérieur. Parce qu'il y a plusieurs gaz qui vont sortir de l'individu. Et on verra cela par la suite, bi'idhnillahi ta'ala. Wa min fawa'idi hadha al-hadith, annahu la yajuzul khuruju min as-salati li mujarradi shakk fil hadith. Parmi les leçons profitables de ce hadith, qu'il n'est pas permis de quitter la prière à cause d'un doute. À cause d'un doute concernant la perte des ablutions. La personne, elle fait sa prière. Elle a un doute, il ne lui est pas permis de quitter la prière. Parce que le prophète, il a dit, « La yansarif, il ne part pas. » Il ne part pas. Et donc, tu ne peux pas quitter la prière comme cela. Il faut que tu aies une certitude pour te permettre de quitter la prière. وأيضا في هذا الحديث حسن الأدب. Il y a aussi dans ce hadith le bon comportement. أين وجدنا هذا؟ أين وجدنا هذا؟ Je répète le hadith. Et donc, شوكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé d'un homme qui pensait qu'il a quelque chose pendant la prière. Alors, le prophète a dit, celui-ci ne part pas tant qu'il ne sent pas une, tant qu'il n'entend pas un son ou qu'il ne sente pas une odeur. Et il n'a l'edeb. لا لم يحدد الشخص نعم لم يحدد الشخص الذي سئل الذي سأل لا جاءت في بعض الروايات أنه ذكر لدود لم يقول هذا هو الذي فعله في الصلاة لا لا لا لا لا le fait qu'ils disent quoi quelque chose. Il a dit, il n'a pas cité, donc celui qui rapporte le hadith, il a dit, il n'a pas dit, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été mis au courant d'un homme qui doutait d'avoir eu un gaz pendant la prière. Il n'a pas dit ça. Un homme qui doutait d'avoir quelque chose. D'avoir quelque chose pendant la prière. Et ça, vous allez voir ça souvent chez les Arabes. Souvent chez les Arabes, le fait d'avoir la pudeur de citer certains mots dont on est gêné de les citer. On est gêné de citer ce mot, on va citer un autre. On va citer un autre. Faites najid hada kathiran fil arab. Annahum yastahiyuna min dhikri kalima fa yadhkuruna kalimatan ukhra yufhamu minha anna hadha alladhi nuriduhu. Hadha huwa alladhi nuriduhu. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaf'alu hadha. في القرآن في القرآن مثلا في النكاح أو في الجماع الله تبارك وتعالى في القرآن concernant les rapports intimes entre les époux أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ou que vous ayez touché les femmes et que vous n'ayez pas trouvé d'eau, alors faites le tayammum. Donc que vous ayez touché les femmes, ce qui est voulu par là, c'est le rapport. Ce n'est pas le fait de toucher la femme avec la main ou autre. Non, ce qui est voulu par là, c'est le rapport. Et ça, c'est souvent dans la langue arabe, souvent. Pourquoi ? El-edeb, le comportement. le comportement, les frères, c'est muhim. C'est très important le fait d'avoir un bon comportement. Fikalemik, dans les mots que tu sors, les mots que tu vas utiliser, fais très attention. Bardoum nasla yubaloun, certaines personnes ne font pas attention. Il sait que ce qu'il dit, ya'alif anna kalamahu, ya'ani ya'juz. Il sait que ce qu'il dit, c'est permis. Alors il va parler de n'importe quel sujet comme ça. N'importe quel sujet devant les gens comme ça, sans pudeur. Là, bel ba'duhum kod yakounu sababan fissu'i edabin nas. Certaines personnes peuvent être la cause du fait que beaucoup aient un mauvais comportement. Azkuru da'iyatan fi medinatin leysat biba'ida. Et donc je me rappelle d'un prédicateur qui était dans une ville qui n'est pas si loin que celle-ci. Kana idha arada an yansaha ahadan bi nikah imra'atin yadhkuru lafdan qabihan yustahya min dhikrihi hatta fil inkari alayhi. Et donc il y avait un prédicateur qui, lorsqu'il voulait conseiller à quelqu'un de se marier avec une femme, il utilisait des termes détestables dont on est gêné de citer, même si on veut lui faire le reproche. Même si on veut lui faire le reproche, on est gêné de citer cela. Et qu'est-ce qui s'est passé donc, les gens? Fannas sami'u ad-da'iya yaqulu hadha al-kalam. Fa madha fa'alu? Qalladu. Ils ont entendu donc le prédicateur dire ce genre de choses. Alors ils ont répété. Ils ont répété jusqu'à ce que j'entende plusieurs frères qui disent ta ta. Alors je vais voir un frère, je dis "Akhi, limadha taqulu hadha al-kalam? Oh mon frère, pourquoi est-ce que tu dis ça? Hadha la yaliq." Je dis, c'est pas convenable. Oui, mais je voulais dire par là que je vais me marier avec la sœur. Je voulais dire par là que je vais me marier avec la sœur. Elle tardor ou li ummik. Est-ce que tu acceptes cela pour ta mère? Elle tardor ou li urtik. Est-ce que tu acceptes cela pour ta sœur? Là, taïm. Ihtarim al mar'a. Respecte la femme. Fais attention aux paroles que tu utilises. Et c'est comme cela, tous les frères doivent faire attention par rapport aux mots que nous utilisons concernant les sœurs. Concernant nos frères et aussi concernant nos sœurs, on doit faire attention. Faites attention aux mots que vous utilisez, faites preuve de pudeur. Et cela, vous allez les trouver dans le Coran et dans la Sunna. Ici, il veut citer le gaz, il ne cite même pas le gaz, il dit quelque chose. Quelque chose. On a compris ce qu'il voulait dire par là. Voyez. الحديث الثالث عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. Et donc selon أم قيس بنت محصن, vous la connaissez? C'est qui cette sahabiya? C'est la sœur de qui? C'est la sœur de qui? Vous connaissez Ukasha? Ukasha ibn Mihsan. C'est lui qui a dit, ya Rasulallah, udi'u Allah an yaj'alani minhum. Anta minhum. Et donc, c'est sa sœur. C'est sa sœur. Et donc, sa sœur, elle dit donc, qu'elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un enfant qu'elle avait qui était petit. Un bébé. Lam ya'kulit ta'am. Il n'avait pas mangé de nourriture. Elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cet enfant. Alors le prophète, il l'a assis sur lui. L'enfant a donc uriné sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur les vêtements du prophète. Alors le prophète a demandé de l'eau, puis a versé l'eau sur son vêtement sans le laver. A versé l'eau sur le vêtement sans le laver. El hadith ur rabi'a, le hadith numéro 4. An Aisha radiyallahu anha ummi al-mu'minin. Qalat utiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi sawbiyyin fa bala ala thawbihi fa da'a bi ma'in fa atba'ahu iyya. Wa li muslimin fa atba'ahu bawlahu wa lam yaghsilhu. Et donc le hadith numéro 4 que l'auteur va citer dans ce chapitre, selon Aisha, la mère des croyantes, ça veut dire quoi la mère des croyantes? Même là. On avait vu ça dans le cours de Sira. C'est entre tout le monde, mais ça devient un peu. On ne peut pas. L'un s'appelle Al-Khoua Ma'aha. الخلوة نعم وتحرم علينا من في نفس الوقت تحرم الزواج منها أيوة Et donc, concernant les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on dit les mères des croyantes, c'est-à-dire que cela montre, cela va appuyer, yu'akkidu tahrim al-nikah minha. Cela va confirmer et appuyer l'interdiction du mariage avec elle. Mais attention, la yufhamu min dhalika jawazul khalwa. Cependant, on ne comprend pas en cela la permission de s'isoler avec elle. C'est interdit. Et donc c'est ça qui est voulu par Ummul Mu'minin, la mère des croyantes. Et donc Aïcha radiallahu anha qui dit qu'il est venu, donc un enfant a été amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un bébé. Celui-ci a uriné sur les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a donc demandé de l'eau et a versé l'eau sur l'endroit qui avait été touché par l'urine. Et dans une version de muslim, il a versé l'eau sur l'urine et ne l'a pas lavé. هذان الحديثان متعلقان ببول الغلام. Ces deux hadiths sont liés à l'urine de l'enfant. أما الغائط فلا فرق بين غائط الصغير والكبير. Et donc concernant les selles, il n'y a pas de différence entre les selles de l'enfant et les selles de l'adulte. Il n'y a pas de différence. Et yarhamukallah, An-Nawawi l'a cité. Al-Ijma, il a cité l'unanimité concernant cela. Ba'ulul kabir najisun bil ijma wa sayati ad-dalil ala dhalik. En ce qui concerne l'urine de l'adulte est impure par l'unanimité des savants. Et l'auteur, il nous cite un hadith après cela montrant la preuve que l'urine de l'adulte est impure. Ça on le verra par la suite. Et donc, il y a unanimité concernant l'urine du grand, l'urine de l'adulte, qui est impure. Et donc, l'urine de l'enfant, du bébé, qui mange, est impure par l'unanimité des savants. Attention, donc on a un enfant qui mange, alhamdoulilah, un enfant qui mange, son urine est impure avec l'unanimité des savants. Amma sarirou alladhi lam ya'kul at-ta'am fakhtalafou fi. En ce qui concerne le petit qui n'a pas encore mangé de nourriture, alors il y a une divergence concernant son sujet. Ça veut dire quoi, il n'a pas mangé de nourriture? Il est allaité. Aujourd'hui, je viens. Mon enfant, il boit du lait. Ensuite, un jour, il tombe malade. Je donne un médicament. Un traitement. Autre que du lait. Est-ce qu'on va dire qu'il a mangé de la nourriture ou pas? Al-asal. On lui donne du miel. Al-tamr. Les dattes. Non plus. Et donc, ce qui est voulu par At-Ta'am, c'est le repas qui va le nourrir. Le repas qui va le nourrir, ce n'est pas un médicament ou autre chose. C'est cet enfant, il boit du lait. À côté du lait, on lui donne une date. On lui donne du miel ou autre chose. Ce n'est pas ça qui est considéré comme la nourriture. Sa nourriture, c'est le lait. Toi, dis, bon, on va voir la divergence. Al-Shafi'i et Ahmed, rahimahumallah, يرون التفريق بين بول الغلام والجارية. الشافعي et Ahmed, ils voient la distinction entre l'urine du petit garçon et l'urine de la petite fille. الدليل أخرجه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية أو يغسل بول الجارية ويرش من بول الغلام. Et donc le prophète Abu Daoud a cité dans son recueil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'urine de la petite fille doit être lavée et l'urine du petit garçon doit être mouillée. On doit verser l'eau sur l'urine du petit garçon. Ils ont donc fait, Shafi et Ahmed ont donc fait la distinction entre l'urine du petit garçon et l'urine de la petite fille. Wa hadha ad-dalil sarihun fi dhalik. Et ce hadith, il est clair dans cela. Al-qawlu ath-thani fil mas'ala غسل جميع الأبوال, le fait de laver toutes les urines. Enfant, adulte, fille, garçon, tu laves tout. Pourquoi? الحديث الذي رأيناه سابقا في أول الكتاب أنهم إنهما لا يعذبان. Ces deux-là sont châtiés. Parmi les causes du châtiment, أما أحدهما فكان لا يستطيع من البول. En ce qui concerne l'un d'entre eux, alors celui-ci ne se préservait pas de l'urine. Alors, comment on fait? Comment on fait? Hein? Ce qui n'est pas voulu par là, le grand, l'adulte. Naam. C'est-à-dire que ce hadith-là, le hadith qui cite la personne qui est châtiée dans la tombe à cause de l'urine, ce hadith, il est général. Had al-hadith am. Ou al-hadith ou fani concernant, qui montre la distinction entre l'urine du petit enfant, du petit garçon, et l'urine de la petite fille, c'est un hadith qui est khas, il est spécifique. Et donc, le hadith qui est général va donc être spécifié par celui qui est donc particulier, par celui qui est spécifique. On va donc dire, il est obligatoire à l'individu de laver toute urine qui touche ses vêtements, à cause du hadith général, sauf concernant l'urine du petit garçon, à cause du hadith qui est spécifique. Et comme ça, on a utilisé les deux hadiths. Et donc, l'avis le plus juste dans le sujet, l'avis de l'imam Ahmed et de l'imam Al-Shafiri. On va arrêter là pour ce soir. On a fait un peu plus long que d'habitude. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde une science profitable et de laisser capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullah khair.